Bonjour, c'est Irène. Ce podcast est une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, aller sur patreon.com/podcastscience et nous faire un petit don. Même un tout petit, hein. Pour même pas le prix d'une baguette de pain bio par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Il est informaticien, il est sympathique, il est carrément geek, il travaille au Palais de la Découverte et la dernière fois il était venu nous parler pour l'émission 341 des réseaux de régulation génétique. Pour cette émission, nous réaccueillons comme invité Émilien Cornillon qui vient nous parler cette fois-ci des transistors, ces petits machins électroniques immanquables dont l'importance dans notre monde est inversement proportionnelle à leur taille. Nous sommes le mercredi 27 novembre de l'an 2019, c'est l'émission 392, bienvenue sur Podcast Science. Et pour cette 392e émission de Podcast Science, c'est moi Claire qui ai le plaisir et la joie et la fierté et la tralala. Bref, je suis la maîtresse de cérémonie pour cette émission et c'est parti pour le tour de table. Alors avec nous ce soir côté Podcast Science, on a Tup depuis Barcelone. Salut. On a Alexa depuis Los Angeles, la seule, l'unique. Salut tout le monde. On a Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et bien sûr, on a notre invité, Émilien Cornillon, médiateur au Palais de la Découverte dans l'unité informatique. Coucou Émilien. Salut. Au sommaire de cette émission, alors Émilien et son dossier sur les transistors, on t'a déjà reçu la saison dernière sur podcast. Est-ce que tu peux quand même te représenter rapidement pour nos poditeurs et les poditrices qui nous écoutent? Alors ton parcours scolaire, ton boulot, ton festival et toutes les autres activités de médiation que tu fais. Ouais, pas de problème. Donc moi, du coup, c'est Émilien Cornillon. Hein. Donc principalement, je bosse au Palais de la Découverte en ce moment. Et au niveau de mes études, j'ai fait une licence et un master de bioinformatique. Donc plutôt orienté modélisation, pour ceux à qui ça parle. Hein. Et j'ai fait une thèse en informatique, pareil, avec une composante biologique assez importante, même si finalement ce que j'ai fait c'était plutôt théorique. Et donc au niveau de mes activités, j'ai principalement le Palais de la Découverte, j'ai intégré récemment une chaîne YouTube qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geeks ?» qui vulgarise l'informatique sur YouTube, et puis je fais partie du Café des Sciences du coup par la même occasion. Festival. Et oui, du coup, j'organise un festival en février à Nice, le Pleasure Festival, les 8 et 9 février donc 2020. 8 et 9, ouais, c'est ça. Donc c'est un festival qui est plutôt orienté geek, mais il y a une grosse partie scientifique, et donc il y a plein d'activités autour de ça, des conférences, des tables rondes, des activités principalement faites par le Café des Sciences. Et donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment très cool. On avait fait la com l'année dernière sur Podcast Science. Et alors, tu me parlais d'une chaîne YouTube tout à l'heure? C'est ça. Chaîne YouTube, qu'est-ce que tu geeks? Donc, j'ai rejoint les deux, Tom et Flo, qui bossaient là-dessus jusqu'à présent. Et du coup, je les ai rejoints pour les aider un petit peu, pour leur filer un coup de main, pour contribuer à la vulgarisation sur YouTube de l'informatique. D'accord. Vous sortez une émission tous les... Quand on peut. Quand on peut, c'est un bon rythme. On a notre activité à côté, mais voilà, normalement, on devrait en sortir une dans pas très très longtemps sur l'informatique dans l'espace. D'accord, c'est ta première avec eux ou... C'est ma première vidéo avec eux. Voilà, c'est ta toute première, ce sera la toute première vidéo avec toi, ok, super. Et du coup, avant de parler de l'espace, nous, ce soir, tu vas nous parler des transistors. C'est ça, on va commencer par le début, hein. Je pose un peu le contexte, hein, parce que en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du transistor, mais je vais aussi parler de ce qu'il y avait avant le transistor. Parce que maintenant, il est absolument partout, et donc il y a eu des choses avant qui ont permis de faire un peu du calcul automatique. Alors, il y a très longtemps, il y avait une époque où les ordinateurs n'existaient pas. Une époque où les scientifiques calculaient les décimales de pi ou les trajectoires des planètes à la main, nécessitant un très très long temps de travail. Alors par exemple, hein, William Shanks, un mathématicien anglais du 19e siècle, a calculé les 707 premières décimales de pi en 30 ans. Donc motivé le gars quand même. Et il faut préciser qu'il s'est planté, au passage. Oui, et en plus, il s'est planté à la... Alors, je ne saurais plus sortir la décimale. Et d'ailleurs, au Palais de la Découverte, on a eu les fausses décimales pendant un certain temps et on a fini par les remplacer au bout d'un moment. Oui. Dans la salle Pi. Il y a eu une erreur dans la salle Pi du Palais de la Découverte. Mais du coup, les chiffres ont une valeur maintenant historique avec c'est l'erreur. Voilà, bon, il y a quelques mathématiciens quand même qui ont essayé de passer outre ce problème de temps de calcul de dingue, genre comme Charles Babbage par exemple. Charles Babbage, c'était un mathématicien du 19e siècle, et en fait, il a conçu d'énormes machines mécaniques de plusieurs tonnes, qui étaient constituées de milliers d'engrenages de métal, qu'il fallait actionner à la main, évidemment, parce qu'on n'avait pas des moteurs électriques tels qu'on l'a maintenant. Et on pouvait programmer ces machines-là grâce à des cartes perforées. Un peu comme avec les métiers jacquard, des métiers à tisser automatiques, où on mettait en gros un rouleau de papier avec des trous dedans, et ça permettait de faire un motif automatiquement, directement sur le tissu. Donc l'idée était plutôt pas mal. Le principal problème, c'est que c'était des machines énormes, c'était très très lourd, et puis la puissance de calcul était vraiment toute nulle par rapport à ce qu'on a maintenant. Et en plus, c'était des machines qui pouvaient faire qu'un seul type de tâche. Hein, si on faisait une machine pour faire des additions, soustractions, c'était compliqué de faire autre chose, de faire des trucs un peu plus complexes. Donc voilà, donc c'était pas très très concluant jusque-là, mais dans la première moitié du XXe siècle, il y a la fusion des travaux de trois personnages importants dans l'histoire de l'informatique, George Boole, Alan Turing et Claude Shannon, qui a en gros, on va dire, changé la face du monde. Alors ils sont pas du tout de la même époque. Je vais juste évoquer Alan Turing parce que j'ai pas le temps de développer un peu ce qu'il a fait, même si son apport pour l'informatique est juste absolument colossal. Mais ce que je peux dire du coup en une minute là, c'est que en fait il a inventé une sorte de machine mathématique théorique. Donc il a pas construit quelque chose à proprement parler, il a juste fait mathématiquement, qu'on appelle du coup la machine de Turing universelle, qui est capable de tout calculer ou presque. En gros, vos ordinateurs aujourd'hui sont toutes des machines de Turing universelle. Mais bon, ici, on va pas trop s'intéresser à son travail à lui, on va s'intéresser à la manière dont cette machine de Turing universelle a pu être mise en place physiquement, qu'on puisse avoir des vraies machines. Moi aussi, finalement. Voilà, donc du coup, je commencerai un petit peu à développer tout ça par les travaux de George Boole. Alors, George Boole, lui, c'est un mathématicien du 19e siècle aussi. Et il a travaillé, entre autres, sur un système mathématique permettant de modéliser des raisonnements. Donc, ça paraît assez simple comme ça. Vous allez voir que ça l'est quand même pas mal. On appelle ça une logique. Et en gros, un peu plus tard, on l'a appelé la logique booléenne, du coup, de son nom. Alors, le principe de cette logique, c'est que ça permet de représenter le monde qu'avec des vrais et des faux. Donc quand on fait une affirmation, elle est ou vraie ou faux. Donc c'est vrai que c'est un peu réducteur, mais mathématiquement, ça fonctionne très très bien. On peut s'amuser aussi à combiner des différentes affirmations qui sont vraies ou fausses ensemble, un peu comme quand on combine des nombres entre eux pour faire des additions, des soustractions, des multiplications. On appelle ça du coup des opérateurs. Et on va là, George Boole, lui, il n'a pas des opérateurs classiques comme les additions, soustractions, les plus, les moins. Lui, il a des et, des ou et des non. Alors ça paraît assez bizarre comme ça, mais vous allez voir, ça passe assez bien. Donc je prends une affirmation, par exemple, complètement au hasard. Podcast Science est génial. Oui. Personne ne dirait le contraire, on est d'accord, hein, c'est bon. Maintenant, je vais utiliser l'opérateur non. Donc, si je dis non, podcast science, c'est génial, on est d'accord que cette phrase est fausse. Ouais. Parce que podcast science, c'est génial. Donc, en fait, cet opérateur-là, il est très simple. Il inverse simplement ce qu'on appelle la véracité de la phrase. Ça inverse juste. Si c'est vrai, ça devient faux. Si c'est faux, ça devient vrai. Alors maintenant, je prends une nouvelle proposition complètement au hasard aussi. L'équipe est incroyable. Ouais. Si je dis podcast science est génial et l'équipe est incroyable, ces deux affirmations sont vraies. Donc, on est d'accord que cette phrase est vraie. Par contre, si je dis podcast science est génial et l'équipe est nulle, il y a une des affirmations qui est fausse, donc cette phrase est fausse aussi. Mm-hmm. Ça va jusque-là ? Donc, c'est évidemment, hein, si les deux affirmations sont fausses, on a quelque chose de faux aussi. Donc voilà, ça c'est l'opérateur « et ». Tu peux avoir, t'as vrai, vrai, vrai, faux, faux, faux, et en fait, ton vrai faux, il s'annule, ça devient que faux. Voilà, c'est ça. Ça reste soit vrai, soit faux. Ça, c'est un peu comme si on fusionnait selon suivant une certaine règle, les deux phrases, et du coup, on fait ce petit calcul comme ça, de cette façon. Voilà, pour l'opérateur « ou », en fait, le principe, c'est qu'il faut que au moins une des deux affirmations soit vraie. Donc si je reprends mes deux phrases, podcast science est génial ou l'équipe est nulle, bah, vu que podcast science est génial, la phrase devient vraie. Donc évidemment, du coup, si j'inverse, c'est un peu le même principe. Donc voilà, le ou, c'est un peu ce principe-là. Est-ce que vous avez compris le... Jusqu'à là, ça va ? Mmh. Ouais, c'est clair. Voilà, donc du coup, là, ces trois opérateurs-là, c'est un peu la base de la logique booléenne. C'est-à-dire qu'avec ça, si on les combine d'une manière particulière, on peut s'amuser à faire d'autres choses. Par exemple, il y a un autre truc qu'on appelle le « ou exclusif ». Alors là, c'est un « ou » un peu différent de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Hein. Le « ou » que j'ai dit jusqu'à présent, c'était « il fallait qu'au moins une des affirmations soit vraie ». Le « ou exclusif », il faut qu'il y ait ou l'une ou l'autre, mais pas les deux. Donc ça change un petit peu. Donc en gros, pour le « ou exclusif », par exemple, je vais combiner un petit peu, je vais choisir deux nouvelles affirmations. Je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. C'est mes deux phrases, je vais pouvoir faire une phrase comme ça, excusez-moi. Pardon. Je choisis un bonbon et non, je choisis un chocolat. Ou non, je choisis un bonbon et je choisis un chocolat. Donc ça paraît être une phrase un peu bourrine, si je la traduis de manière un peu plus digeste. En gros, ça donne je choisis un bonbon et pas du chocolat. Ou je choisis un chocolat et pas un bonbon. Donc ça sent, je sais pas si c'est clair pour vous. En gros, c'est soit je choisis un et pas l'autre, soit je choisis le deuxième et pas le premier. Ok. Ouais. Donc là, en fait, avec cette combinaison de « et »,« non » et « ou », j'arrive à faire le comportement que je voulais de « il faut qu'il y en ait un seul qui soit vrai ». Donc on peut s'amuser du coup à faire des phrases de plus en plus grandes en mettant de plus en plus d'informations à l'intérieur. Et en gros, on peut exprimer énormément de choses avec ce genre de choses. Et donc ce qui va nous intéresser ici, c'est l'algèbre booléenne comme ça, mais surtout la manière dont un certain Claude Shannon, un mathématicien du XXe siècle, a réussi à transformer ce truc qui est purement mathématique à la base en version physique, qu'on puisse faire ça avec une vraie machine physique. Alors lui, en gros, dans son, je crois que c'est, il me semble, c'est son mémoire de master, l'équivalent de mémoire de master, il a fait un document dans lequel, un mémoire dans lequel il a proposé une version de l'utilisation des relais électromécaniques, des petits machins qui étaient utilisés dans la communication par télégraphe, pour pouvoir faire de la logique booléenne. Alors un relais électromécanique, c'est un truc assez marrant. En gros, c'est un interrupteur qu'on peut activer ou désactiver en mettant ou pas un courant électrique. C'est un truc assez étrange. Donc, par exemple, hein, quand vous activez un interrupteur chez vous, avec votre doigt, vous allez appuyer sur le bouton et donc connecter deux bouts de fer qui vont du coup laisser passer l'électricité. Là, dans le cas du relais électromécanique, c'est pas la pression de votre doigt qui va activer l'interrupteur, c'est la présence d'électricité dans une bobine de fil de cuivre. Alors la bobine de fil de cuivre, il y a un truc assez marrant dessus, c'est que quand on met l'électricité dans une bobine de cuivre, ça génère un champ magnétique. Alors en fonction d'un certain nombre de choses, on peut faire un champ magnétique plus ou moins puissant. Mais là, ce qui est assez marrant, c'est que ce champ magnétique, il va permettre de pousser la petite plaque de fer que nous on active à la main, ça va la pousser vers l'autre et donc faire cette connexion-là. Voilà, donc du coup, c'est un truc qui est très très basique, ça existe depuis pas mal de temps, et en fait, lui, il a eu l'idée d'utiliser ça pour pouvoir faire en l'occurrence, des opérateurs logiques. Alors par exemple, on va reprendre l'idée de l'opérateur « et ». Donc ça va jusqu'à présent, le relais électromécanique ? Ouais, je pense. Ouais. Ça va. Donc le « et », par exemple, il a son idée, c'est de mettre dans un circuit électrique deux relais électromécaniques, l'un à la suite des autres. Donc en gros, ça veut dire que le fil va passer d'un relais à l'autre directement, et donc pour pouvoir fermer les deux interrupteurs, il va falloir mettre un courant électrique dans les bobines de chacun des relais électromécaniques. Mmh. Et vu qu'ils sont à la suite, on est obligé d'avoir les deux bobines activées, puisque s'il en manque une, on a le circuit qui est ouvert, l'électricité ne peut pas passer. Donc du coup, simplement en faisant comme ça, on va pouvoir faire un « et ». Ok. Pour le « ou », c'est un peu le même principe, à part que là, on ne va pas les mettre les uns à la suite des autres, on va les mettre en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, à un endroit, on va diviser le fil du circuit électrique en deux, on va le rattacher un peu plus loin, et on va mettre sur chacun des demi-fils qu'on va avoir un relais. Et là, du coup, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit activé pour que l'électricité puisse passer. Donc on peut avoir ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Ou les deux, ouais. Donc du coup, là, on a simplement un ou. Et pour le nom, alors là, c'est un truc un peu plus bizarre. En gros, il faut modifier légèrement le relais électromécanique de façon à ce qu'il soit activé de base et que le fait de mettre de l'électricité dans la bobine, ça va juste le désactiver. C'est vraiment ce principe-là. Donc juste avec cette base-là, on a nos trois opérateurs logiques, le « ou », le « et » le « non ». Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit qu'on les combine et on arrive à faire toute la logique booléenne, à exprimer des phrases aussi complexes qu'on veut. Est-ce que ça va là-dessus? Ouais. Donc voilà, du coup, c'est ce principe-là. Alors, vu qu'on rentre un petit peu dans tout ce qui est électronique, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas pour l'instant appeler ça trop électronique, les termes vont légèrement changer. En fait, plutôt que parler d'opérateur logique, on va parler de porte logique. Voilà, c'est le terme qui change. En gros, c'est l'équivalent matériel de l'opérateur logique. Et tout ce qui est la véracité des phrases qu'on va avoir, donc les phrases, ça va être les fils qu'on va amener au niveau des bobines. Et la véracité des phrases, donc est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont fausses? En fait, c'est juste la présence ou l'absence d'électricité. En gros, c'est juste ça la conversion, ouais. Je me permets, pardon, j'aurais dû t'interrompre 2 secondes plus tôt, avant le début de ta phrase. Peut-être pour reconceptualiser tout ce que tu viens de raconter, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Un peu sur le « à quoi ça sert », t'es passé très, très vite sur Turing. En fait, ce que raconte Turing, c'est qu'avec ce genre d'opérateur logique de boule, on peut arriver à faire la plupart des algorithmes. Enfin, on arrive à faire, en gros, tous les algorithmes qu'on peut imaginer, donc tous les programmes qu'on peut imaginer. Et du coup, il suffit d'avoir la logique de boule, et ce qui est génial derrière, c'est d'avoir imaginé un système qui, avec de l'électricité, permet de faire la logique de boule. Et donc, c'est ce qui est épatant, je trouve, dans ce que tu racontes, c'est de réussir à commencer à visualiser ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des ordinateurs qui arrivent à faire des opérations très complexes, alors qu'on n'est que dans du théorique. On a un mec qui a dit un jour, mais les gars, si on a une machine de Turing, on peut écrire tous les algorithmes qui existent. Un autre qui a dit, si on a la logique booléenne, on peut faire des machines de Turing. Et puis un autre qui a dit, les gars, si on met une bobine comme ça, on arrive à faire du truc booléen. Et tous, ils se disent, génial, on a un ordinateur. Bon, en fait, il aura fallu quelques dizaines d'années, c'est vraiment ce que tu racontes, c'est vraiment ce qui fait la base de tout ce qu'on utilise, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on utilise, c'est les algorithmes et... C'est derrière ça des systèmes booléens qui s'allument ou qui s'éteignent, quoi. Mais alors du coup, j'ai pas réussi à trouver l'information, mais la logique booléenne, est-ce qu'elle est ce qu'on appelle Turing complète, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable d'exprimer tous les algorithmes qu'on peut exprimer? Faudrait vérifier, mais il me semble... De toute façon, forcément, t'arrives à faire une machine... En fait, je sais pas si c'est bien exprimé, mais je pense que... Bon, en gros, je sais pas répondre à la question. Mais à mon avis, tu peux construire une machine... En gros, tu peux construire une machine de Turing avec un ordinateur, et un ordinateur a que des portes logiques, donc... L'un dans l'autre, il y a un moment où ça doit bien se compiler. ça me paraît assez logique, mais du coup, j'ai pas réussi à trouver l'info formelle, et j'ai pas osé la mettre, quoi. voilà, donc effectivement, du coup, cette transition, je la trouve très très importante, et ce qui fait que du coup Claude Shannon fait partie de mes personnages préférés dans l'histoire de l'informatique. C'est vraiment la personne qui nous a permis d'avoir des machines physiques capables de tout calculer. Je trouve ça vraiment, vraiment complètement ouf, quoi. Et je me permets juste de rajouter, parce qu'il y a une personne que t'as pas citée dans un peu les pionniers, il y a Ada Lovelace aussi. Et en plus, c'est une femme, donc profitons-en. Et elle, ce qu'elle a vu en vision qui est encore plus épatant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à partir de tout ce que tu viens de décrire, on peut construire ce qu'on appelle les automates. C'est-à-dire des systèmes qui vont faire une seule opération, un peu comme tu décrivais le calculateur de baggage. Et ce que Ada Lovelace a imaginé, c'est d'avoir des trucs qu'on peut programmer, qu'on peut modifier à la volée, un peu comme nous, on programme des ordinateurs aujourd'hui, quoi. En fait, je comptais parler d'elle, mais plutôt à la fin du podcast. Ada Lovelace, c'est mon deuxième personnage préféré de l'histoire de l'informatique. Donc, j'avais basé ma citation dessus, mais du coup, ça fait un petit spoil, tant pis. Donc voilà, du coup, le relais, enfin les travaux de Claude Shannon, c'est un truc complètement génial pour le début de l'informatique, mais il y a un petit défaut avec les relais électromécaniques, c'est que c'est ultra fragile. Et juste le fait qu'il y ait quelque chose qui bouge à l'intérieur du système fait que en fait ça va s'user très très vite. Hein, généralement, quand on a quelque chose quand on a une pièce mécanique, elle a tendance à s'user beaucoup plus vite qu'un truc qui va juste pas bouger. Et donc en fait, ce problème là, l'invention d'un physicien John Fleming en 1804 qui permet d'éviter un petit peu cette usure due au frottement, c'est ce qu'on appelle le tube à vide. Alors le tube à vide, donc c'est un truc qui a été utilisé un petit peu plus tard, enfin les travaux de Claude Shannon portaient vraiment sur le relais électromécanique. Le tube à vide a été utilisé dans les premiers ordinateurs. En gros, c'est un truc très très simple. C'est il y a une plaque de métal et une grille de métal l'une en face de l'autre. Donc vraiment, elles sont en face. Et donc elles sont relativement proches quand même pour avoir quand même un certain effet derrière dont je vais parler. Et juste derrière la grille de métal, vous mettez un filament de lampe, un peu comme les lampes classiques à incandescence qu'on a. Et tout ça, vous l'entourez dans une ampoule de verre et vous faites le vide à l'intérieur. Le terme lampe à vide ou tube à vide, ça vient de là, en fait, on fait le vide à l'intérieur. Alors en gros, le principe de fonctionnement de ce truc-là, c'est ce qu'on appelle donc l'effet thermoionique. En gros, on fait chauffer le filament à l'intérieur de la lampe. Du coup, ça fait chauffer la grille. Et cette grille-là, ça va lui arracher des électrons qui vont se retrouver entre les deux, entre la grille et la plaque. Donc ils vont se balader comme ça et ils vont être capturés par la plaque qu'il y a de l'autre côté. Et donc comme elle est capturée, du coup on a un mouvement d'électrons qui va de la grille à la plaque. Et ce mouvement d'électrons, en fait, c'est un autre nom, ça s'appelle l'électricité. Donc en fait, le fait d'allumer une lampe, ça permet de générer un courant électrique. Donc finalement, si on compare un petit peu le principe avec le relais électromécanique, c'est si on met un courant électrique dans une bobine, ça laisse passer l'électricité. Et là, c'est si on met un courant électrique dans un filament, ça laisse passer l'électricité entre les deux, entre la grille et la plaque de métal. Donc fondamentalement, le principe, c'est à peu près le même. Et ce truc-là, en gros, avec les relais électromécaniques, ça a été la base du premier ordinateur considéré comme une machine de Turing qui a été créé. Alors cet ordinateur-là, il s'appelle l'ENIAC. C'est un ordinateur qui a été financé par l'armée américaine à la base et qui a après été utilisé par des labos pour faire toutes sortes de calculs. Et l'ENIAC, je pense que c'est une de mes machines préférées parce que les proportions sont complètement délirantes de ce truc-là. Alors en gros, l'ENIAC, c'est une machine de 30 tonnes de matériel répartie sur 167 mètres carrés et qui consomme à lui tout seul l'électricité d'une petite ville. Alors j'avais fait le calcul, ça équivaut je crois à 400 maisons. Juste lui tout seul. Donc c'est du délire total. Alors en gros, il contient plus de 17 000 tubes à vide, 1500 relais électromécaniques et 17 000 autres composants qui permettaient de faire le circuit en entier. Et évidemment, comme c'était une machine unique, ils ont connecté tout ce matériel-là avec 5 millions de soudures faites à la main, du coup, puisque c'est un truc complètement artisanal. Voilà, donc c'est une machine qui est complètement délirant. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai juste halluciné. Et la puissance de calcul de ce machin-là, c'est des milliards de fois moins importante que le premier smartphone bas de gamme qu'on peut avoir maintenant. C'est vraiment du gros délire, cette machine-là. Moi, je trouve ça absolument génial. Alors, en gros, pour faire une petite comparaison, comment dire ? Sur la taille d'un microprocesseur, en gros un microprocesseur qu'on a maintenant, donc l'équivalent de l'intégralité de ce que représente l'ENIAC, un microprocesseur c'est quelques centimètres carrés, voilà, donc comparé à l'ENIAC qui fait 167 mètres carrés, ça fait une grosse différence. Voilà, alors du coup ça a servi à plein de trucs. Pour ce qui était des militaires, ça servait faire du calcul balistique par exemple, hein, envoyer des missiles, des machins comme ça. Ils ont aussi fait des simulations de modèles météo après quand c'est passé au niveau des labos. Ils ont fait des modèles de physique nucléaire, ils ont testé des simulations d'explosions nucléaires par exemple, ce genre de choses. Et pour revenir au calcul des décimales de pi dont j'ai parlé au début, l'ENIAC a calculé les 2000 premières décimales de pi en 20 heures. Voilà, donc... Prends ça, l'être humain. C'est ça. Donc du coup, hein, super mathématicien Shanks, les 30 ans, ça fait... Il y avait des erreurs beaucoup. Ou pas? Il n'y avait pas d'erreurs. Il n'y avait pas d'erreurs. Enfin, à ma connaissance. Donc voilà, du coup, c'est... Fait, par rapport aux humains, la différence est colossale, mais par rapport à ce qu'on a maintenant en termes de puissance de machine, bah, la différence est colossale aussi. Donc voilà, par contre, l'ENIAC, c'est un truc qui a mis très très longtemps à se mettre en place, et les relais et les tubes à vide, bah, c'est un truc assez volumineux, donc on peut difficilement les miniaturiser. Typiquement, le tube à vide qu'on peut arriver à plus réduire que le relais électromécanique, bah, en vrai, on peut pas trop rapprocher la grille et la plaque parce que on finit par avoir quelques soucis et ça finit par plancher. Et alors moi, j'ai une question parce que du coup, j'aime bien l'histoire des sciences aussi et voir les vieux instruments. Est-ce qu'on a encore des exemples de ça quelque part? Est-ce que... la d'utilisation machine... de ça? Non, pas d'utilisation. Est-ce qu'on les retrouve? Est-ce que ça a été gardé? Est-ce qu'il y a moyen de visiter ou de voir... Est-ce qu'il y a moyen de visiter la ville ordinateur? La ville ordinateur. Alors, je sais que l'ENIAC s'est retrouvé en France pendant un moment. Il y avait une université en France qui l'avait récupéré. J'ai discuté avec un gars, un visiteur du palais d'ailleurs, qui me racontait un petit peu ses programmations avec l'ENIAC. J'ai trouvé ça trop cool. Après, évidemment, il est plus en service parce que en termes de consommation électrique, c'est juste pas possible. Et sinon, pour tout ce qui est tube à vide et compagnie, alors au Palais de la Découverte, on a une vitrine avec du matériel comme ça. Ouais. D'ailleurs, il y a mon objet préféré de l'expo, c'est un petit bloc de, je sais pas, il doit faire quelques centimètres carrés, un truc dans le genre, un truc, enfin relativement gros, qui correspond à la mémoire de 1 bit, avec 4 tubes à vide au-dessus. C'est génial. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, alors il doit m'en avoir au CNAM aussi, au Musée des Arts et Métiers. Ouais. Et après, t'es à Los Angeles, c'est ça? Ouais, je suis à UCLA. C'est possible que, en fait, il y en ait quelque part, mais ou à Caltech. Je sais qu'il y a un musée de l'informatique, de l'histoire de l'informatique, pas très très loin. Je sais pas exactement où. Et en gros, tous les trucs de la Silicon Valley ont alimenté le musée. Donc, je crois que c'est un truc qui est, enfin, ça a l'air d'être un truc très très bien. Je rêverais d'aller. Ça doit être rigolo, ouais. J'ai regardé ça. Voilà. Après, voilà, on en trouve de temps en temps, si mais c'est pas un truc. Je suis allé, je crois qu'il est à côté du campus de Google, en fait, le musée de l'informatique. C'est possible. Ouais, je crois que c'est effectivement, j'avais souvenir que c'est dans ces eaux-là. Voilà, donc il y a quand même moyen de trouver quelque chose. ces trucs-là, ces premiers ordinateurs, on arrive à faire des choses de dingue avec, mais il y a les tubes à vide, même s'ils sont quand même mieux que les relais électromécaniques, ils ont un petit problème, c'est que c'est des lampes. Donc, comme les lampes chez nous, ça finit par péter au bout d'un moment. Et du coup, y a quand même quelques petits soucis autour de ça. Et c'est là qu'on arrive au transistor, la solution miracle. En gros, le transistor, c'est un truc qui va pas chauffer ou pas autant chauffer qu'une lampe. Donc, c'est un truc très, très, très, très faible. Et ça a été, ça bouge pas non plus. Et ça a été inventé en 1947 par trois chercheurs, Bardeen, Shockley et Brattain. Ils ont reçu d'ailleurs un prix Nobel en 56 pour leur invention. Donc on a reconnu quand même l'importance du transistor. Je trouve même qu'ils ont reçu un prix Nobel assez rapidement après la... C'est vrai que c'est très très tôt. Après l'invention, des fois, tu as un prix Nobel 30 ou 40 ans après ta découverte. Mais je pense qu'on a vraiment vu les effets quasi immédiats en fait du transistor. On l'attendait. Vite. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Alors là, par contre, c'est pas un matériau comme ce que j'ai montré jusqu'à présent, juste des bouts de fer, des machins comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle des semi-conducteurs. Alors, c'est un matériau un peu bizarre. En gros, l'idée, c'est de prendre du silicium pur et de venir le modifier en changeant quelques petits atomes du bloc de silicium. Alors, en gros, pour expliquer un petit peu dans le détail, l'atome de silicium, en fait, il peut se lier à 4 autres atomes. Donc là, je regarde la chimiste. Ah, mais je suis ravie, je pensais rien comprendre parce que c'était de l'électronique. En fait, les semi-conducteurs, c'est de la chimie pure et dure, donc ça va, je m'y retrouve. Donc du coup, ça peut se lier à 4 atomes autour de lui. Bon. Maintenant, en fait, pour faire des semi-conducteurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, ce qu'on appelle doper le matériau. En fait, on va venir changer quelques atomes, remplacer par d'autres atomes. Donc par exemple, si on prend du phosphore, Le phosphore, lui, par contre, il peut se lier à 5 autres atomes. Et le truc, c'est que comme il n'y a que des atomes qui se lient avec 4 atomes autour d'eux, dans les alentours, dans le voisinage, il y a un électron qui va se retrouver à pas savoir trop quoi faire. Il va se balader, il va être libre, en fait. Donc, du coup, on appelle ça un semi-conducteur dopé de type N, N comme négatif, du coup, parce qu'on a un électron supplémentaire qui a une charge négative. Donc, du coup, on peut aussi s'amuser à faire ça avec du bore. Alors, le bore, lui, par contre, il peut se lier à 3 autres atomes. Et du coup, si on fait ça, il y aura des trous, en fait. Il y aura des endroits où le lien va pas pouvoir se faire parce que l'électron sera pas disponible. Et on appelle ça, du coup, un semi-conducteur dopé de type P, positif, parce qu'il manque un électron qui a, du coup, une charge négative. Donc voilà, on a 2 semi-conducteurs comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est les mettre l'un contre l'autre. On fait des sandwichs. Voilà, on fait des sandwichs. Le sandwich, ça va être tout à l'heure, mais d'abord, on va juste en prendre un N, un P, on va les coller l'un contre l'autre. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que les électrons en trop sur le semi-conducteur N, ils vont venir remplacer se placer entre guillemets dans les trous du semi-conducteur P. Et en fait, cette zone-là, elle va être isolante. Donc c'est-à-dire que si on s'amuse à brancher un fil sur le côté N et un fil sur le côté P, si on fait passer le courant d'un côté, ça va pas passer. Et si on fait passer le courant dans l'autre sens, cette fois-ci ça va passer. Parce qu'en fait cette zone isolante va venir grossir ou diminuer en fonction du son du courant. Et je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, un composant électronique qui laisse passer le courant que dans un sens. Non, ça vous dit rien? Les diodes, alors moi je me souviens de mes cours de techno où on les avait beaucoup utilisés. Je crois pas avoir beaucoup parlé de diodes en dehors de mes cours de techno, donc ça fait très très longtemps. Mais je me souviens que c'était un truc qui laissait passer le courant que dans un sens. Moi, j'ai très envie de donner un point supplémentaire à Mia parce qu'il a réussi à faire parler Pascal pendant une émission. Donc en fait, la diode, c'est juste ces semi-conducteurs qu'on met l'un contre l'autre et il y a un petit effet qui fait que ça laisse passer que dans un sens. Bon, ça c'est plutôt cool. Par contre, moi, ça me fait pas un transistor. En fait, ce qu'il va falloir faire pour le transistor, c'est faire un sandwich, comme tu as dit. Un peu comme si on prenait des Legos, on les collait les uns contre les autres. Du coup, on va avoir... alors, il y a plusieurs types, mais par exemple, on va avoir un bloc P avec au milieu un bloc N et un bloc P de l'autre côté pour faire les deux. Les blocs P, ça fait les tranches de pain et au milieu, on a le jambon. Donc, en gros, juste en faisant comme ça, vu qu'on a ces zones isolantes qui sont des deux côtés et que c'est symétrique, là, pour l'instant, l'électricité ne peut pas passer du tout. Si on branche de chaque côté du sandwich au niveau du pain à chaque fois, ça marche pas très très bien. Par contre, si on branche un fil au niveau du jambon, donc au niveau de la brique du milieu, en mettant un courant électrique à cet endroit-là, on peut arriver à faire passer l'électricité. Un peu, pas de force, mais un peu dans ce genre-là. Donc ça permet du coup, en mettant un courant électrique sur le bord du sandwich, de laisser passer l'électricité. Et ça, je pense que ça vous rappelle ce que j'ai dit jusqu'à présent. Avec un courant électrique, on laisse passer ou pas l'électricité. Donc c'est exactement le même principe, à part que en fait, on va gagner vachement de place parce que autant avoir les grilles et les bouts de métal, il faut pas qu'ils soient trop près parce que sinon ça marche pas, etc. Là, on a juste des blocs qui sont collés les uns aux autres. Donc en fait, intuitivement, on peut se dire qu'on peut essayer de réduire un peu tout ça. On peut essayer de diminuer ces parties-là de façon à essayer de réduire la taille d'un transistor, en gros. Donc voilà, en gros, le transistor, c'est un peu ce principe-là. Et clairement, ça s'est complètement imposé dans absolument tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais parler essentiellement de ce qui est utilisé pour le calcul, mais en vrai, on l'utilise dans plein d'autres trucs. Alors, évidemment, c'est un truc qui est beaucoup plus résistant. Donc, typiquement, si on met un courant électrique, bon, s'il n'est pas trop fort, évidemment, ça va très très peu chauffer. Donc, en vrai, on n'a pas besoin de les changer souvent. Hein, pour vous donner une idée, pour les NIAC, du matériel qui cassait dans la machine, c'était en moyenne tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il fallait changer du matériel dans les NIAC. Pour le transistor, en fait, on n'a quasiment plus besoin de les changer, en fait. On ne les change plus maintenant. Donc c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup plus résistant. Donc voilà, du coup, on a un truc qu'on peut réduire de manière assez importante et avec lequel on va pouvoir faire des opérateurs ou et non. Donc avec ça, normalement, on doit pouvoir faire des ordinateurs de manière beaucoup plus réduite. Alors, le premier ordinateur qui a été fait entièrement avec des transistors, c'est le Tradic, en fait, développé par le laboratoire Bell, comme l'inventeur. En gros, c'était une machine qui était des centaines de fois plus petite que l'ENIAC et qui avait une puissance de calcul des milliers de fois plus importante. Et alors, en termes de consommation électrique, c'était 150 kW pour l'ENIAC, le Tradic, c'était 100 watts. Donc, ça fait une jolie différence. Oh oui. Donc là, on va gagner vachement d'énergie avec des machines comme ça. Alors, j'ai essayé de savoir à peu près quelle taille faisait un transistor pour le Tradic. J'ai pas trouvé. Les seuls trucs que j'ai trouvé, c'est des photos d'un truc qui a l'air d'être plus gros qu'un tube à vide. Donc, je sais pas s'il y avait plusieurs transistors à l'intérieur. J'avoue que j'ai un peu de mal à savoir ça. Mais dans tous les cas, voilà, l'avantage, c'est qu'on a quand même des grosses économies d'énergie là-dessus. Bon, évidemment, c'est pas arrêté là en termes de miniaturisation. Là, maintenant, pour vous donner une idée, un transistor, les plus petits transistors que j'ai vus font moins de 10 nanomètres. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça représente. 10 nanomètres, c'est un truc qui est complètement ridicule. En gros, si vous prenez l'épaisseur d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu, dans le diamètre, vous pouvez placer 7 transistors. Donc c'est absolument ridicule. Sur vos processeurs qui font quelques centimètres carrés, vous allez avoir des milliards de transistors qui vont faire le job de ce que de l'ENIAC en des milliards de fois plus puissant, puisqu'on a quelque chose qui est beaucoup plus petit. Donc voilà, en gros, pour donner une idée, hein, il faut utiliser des microscopes à balayage, donc des microscopes très très puissants, pour pouvoir voir le moindre petit transistor sur la surface d'un processeur. Donc c'est un truc qui est très très très très très petit. Alors évidemment, là, on ne va pas s'amuser à brancher des fils sur un semi-conducteur à cette taille-là, parce que c'est absolument impossible. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir graver des plaques de silicium pour pouvoir en fait directement graver les transistors à l'intérieur, sur la surface de la plaque. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des trucs où on va mettre ce qu'on appelle des masques pour essayer de protéger un petit peu les parties qu'on veut pas modifier, et puis on va venir modifier les parties visibles. Donc ça veut dire pour doper les bouts de silicium, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer des ions à très très grande vitesse pour qu'ils se retrouvent dans le matériau. Donc du coup, là, ça va faire la petite modification dont je vous ai parlé tout à l'heure, de changer certains atomes pour avoir plus ou moins d'électrons disponibles. On va venir creuser certaines parties en mettant certains produits. Voilà, on va faire toute une série d'opérations. C'est un truc qui est très très long, très très précis, pour avoir les transistors les plus petits possibles et mettre tout ça dans vos ordinateurs. Donc voilà, le transistor, c'est un truc qui est ridiculement petit. Et en fait, je pense que Charles Babbage, s'il avait su qu'on pouvait faire des trucs pareils, il aurait été super content. Il aurait pu faire des trucs de dingue avec. Mais bon, il a fallu ses travaux pour pouvoir arriver jusque là. Voilà pour ce qui est du transistor. Alors, je sais pas. C'est ridiculement petit. Moi, ça me rappelle des cours de chimie, des cours sur les semi-conducteurs. Ils en étaient arrivés. Maintenant, tu arrives à faire des semi-conducteurs à échelle d'une seule molécule, en fait. Tu as une molécule. Alors, je sais pas, je connais pas la taille moyenne d'une molécule. C'est à peu près combien Claire. Ah non, pas un atome. Non, la taille d'une molécule, ça reste des grosses molécules. Généralement, tu utilises des fullerènes. Les fullerènes, c'est des... Je sais pas quelle taille ça fait, mais c'est les molécules sphériques qui contiennent 60 carbones, une espèce de boule qui servent aussi de roue dans les courses de... Les courses de cars, les courses de voitures moléculaires qui s'étaient organisées en France il y a un ou deux ans. Bah, typiquement, je crois que, il me semble, j'avais regardé 7 nanomètres, c'est le diamètre de la molécule d'ADN, il me semble. Donc effectivement, c'est vraiment dans ces eaux-là qu'on est à une échelle moléculaire. Taille du fullerène d'environ 0,7 nanomètres. Ouais, donc voilà, c'est... Bah, je trouve ça dingue. Ah, c'est complètement fou. Mais là, en fait, réduire encore la taille des transistors aujourd'hui, ça devient compliqué parce que, ben, en fait, plus on va dans le petit, plus on risque d'avoir des petits effets bizarres, des machins liés à la mécanique quantique, qui fait qu'en fait, ça fait foirer le calcul. Donc, on a du mal à réduire. Et maintenant, l'astuce, c'est plus de réduire les transistors, c'est de multiplier ce qu'on appelle les cœurs, donc des sortes de sous-processeurs qui vont venir se partager le travail, du coup, accélérer un petit peu le temps de calcul. Bon, c'est un peu l'astuce qu'on a maintenant, mais voilà, réduire encore la taille des transistors, ça c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, je pense qu'on a amené la miniaturisation à... Ouais, on arrive un peu au max, ouais, à partir du moment où tu utilises une seule molécule, il y a un moment... Mais c'est un peu lié aussi à la loi de Moore. La loi de Moore, en gros, c'est une loi qui disait que... Ah oui, je l'ai apprise en cours. Ouais, on multiplie par deux tous les deux ans, je crois, ou un truc comme ça. Mmh. En fait, c'était l'augmentation de la puissance qui était exponentielle. À part que là, maintenant, on commence à plus du tout être exponentiel, voire même moins, parce que ben, on se retrouve avec cette limite physique qui fait qu'on peut plus réduire les transistors. Donc, dans un processeur d'une même taille, on peut plus augmenter tant la puissance de calcul que ça. Ouais, c'est un peu là. Ouais, on va arriver à la taille de l'atome. Enfin, on n'est pas encore à la taille de l'atome, mais presque. Donc, c'est vrai que. Je pense qu'à la taille de l'atome, en fait, ça marchera même plus, en fait. Bah oui, voilà, ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'il me semble que c'est l'effet tunnel de la mécanique quantique, donc j'y connais rien, mais je crois que c'est une localisation des électrons qui devient aléatoire et du coup, avoir un champ qui passe bien, c'est pas très efficace, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Est-ce que j'ai un petit bonus? Oui, t'as le temps. Écoute, ça me fait plaisir ton dossier. Il y a de la chimie partout en fait. Je pensais vraiment pas m'y retrouver. Et je suis contente. J'ai un peu accueilli Ménia ce soir pour être sincère avec vous avec un électronique. Mais en fait, ça, il y a des molécules dedans. Je suis contente. Ah, génial. Alors donc là, j'ai parlé des transistors pour faire du calcul. Mais en fait, les transistors, on peut en trouver ailleurs. Genre par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mémoire vive dans les ordinateurs. Cette mémoire qu'on me demande toujours de vérifier quand mon ordinateur RAM. Ouais, la voilà. RAM, c'est la RAM, justement. C'est ça, la RAM, exactement. La Random Access Memory. Alors, ce truc-là, en fait, c'est... si vous avez jamais vu ça, en gros, c'est une sorte de barrette avec des petits rectangles noirs avec plein de fils de chaque côté. C'est un truc assez bizarre. Et en fait, dans ces petits rectangles-là, on va avoir plein de transistors qui seront à l'intérieur. Alors, ils sont positionnés d'une manière particulière. En fait, c'est un mix entre des transistors et ce qu'on appelle des condensateurs. Donc, c'est une sorte de petit truc électronique qui va permettre d'accumuler un petit peu d'énergie et de le rebalancer brutalement quand on le demande. Et donc, ce truc-là, en fait, c'est ce qui va stocker les informations temporairement dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la mémoire qui, quand on débranche l'ordinateur, on perd complètement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dû au fait que, en gros, l'électricité qui est contenue dans ce truc-là, c'est à l'intérieur du transistor et que le transistor il finit par se vider au bout d'un moment, en fait, naturellement. Et en fait, dans ce type de stockage, on va avoir des sortes de petits duos à chaque fois transistor-condensateur. Et chaque petit duo va représenter en fait un 0 ou un 1, comme ce qu'on a en informatique, le binaire 0 ou 1, ben c'est contenu dans ces petits machins-là. Évidemment, comme c'est la taille d'un transistor, on va en avoir des milliards à l'intérieur. Donc en fait, on va pouvoir stocker énormément de choses. Là maintenant, je crois qu'on a des barrettes de mémoire qui vont jusqu'à, je crois que j'avais vu 16 gigas, corrigez-moi s'il y a plus. Mais en gros, c'est des trucs, on peut stocker des... plusieurs films à l'intérieur de ce genre de choses, pour vous donner une idée. C'est un truc complètement délirant. Voilà, et bien ce truc-là, ben à l'intérieur, voilà, il y a des transistors qui permettent de garder tout ça. Alors, là, c'est pour la mémoire vive. Pour ce qui est d'autres types de mémoire, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu de la mémoire flash, tout ce qui est clé USB, les cartes, les cartes SD, ce genre de choses. Il y a aussi les disques SSD, pour ceux à qui ça parle. C'est un peu comme des disques durs, à part que souvent on dit que c'est vachement plus rapide. Donc en général, on les préfère pour démarrer les ordinateurs, ce genre de choses, on gagne pas mal de temps. Et bien à l'intérieur, c'est aussi des transistors. Bon, là, ceux-là, par contre, ils sont un petit peu modifiés. Hein, si vous vous souvenez bien, le sandwich, on a les trois blocs comme ça, qui sont l'un à côté des autres, et on a un machin au niveau du jambon du sandwich. Et ben, en fait, entre le jambon et le fil qui arrive sur le jambon, on va mettre un autre truc. On va rajouter un petit machin. Et ce machin-là, en fait, il va venir stocker des électrons durablement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on coupe l'électricité, on va avoir des petits électrons qui vont rester à cet endroit-là, qui vont rester bloqués. Et en fait, en fonction de la présence ou de l'absence d'électrons à cet endroit-là, pour tous les petits transistors qu'on va avoir sur la mémoire, bah en fait, ça va faire des 1 et des 0. Donc c'est juste, c'est comme un transistor, à part que c'est légèrement modifié, et du coup, on va pouvoir stocker de l'information dedans. Ça va là-dessus ? Ouais, je suis en train de récapituler dans ma tête pour voir si j'ai compris. Comment il détecte la présence ou l'absence d'électrons ? En fait, c'est en mettant une petite tension au niveau du fil qui arrive sur le jambon du sandwich. En fait, en fonction de si ça passe ou si ça passe pas, si c'est résistant ou pas, enfin si c'est résistant à l'électricité ou pas, en fait en fonction de s'il récupère de l'information ou pas. Si c'est résistant ou pas, s'il y a un électron ou pas, ça donne ou pas une résistance voilà, au passage du courant. Donc du coup, à ce moment-là, on arrive à savoir si c'est comme ça. Par contre, ce que j'ai appris récemment, c'est que quand on fait ça, généralement, on détruit l'information qui est à l'intérieur et du coup, dans la foulée, il faut remettre des électrons pour pouvoir garder l'information. Je trouvais ça assez marrant. Voilà, je fais à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. J'essaie de faire un dossier assez court. Mais voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'informations à l'intérieur. Ouais, bah puis tu mélanges un petit peu plusieurs disciplines. Ouais, j'aime bien le mélanger des disciplines, vu que j'ai toujours fait mes études dans ce genre d'idées, j'aime bien. Ouais, puis c'est vrai que finalement, tu te dis l'informatique emprunte un peu à d'autres disciplines. Ah, à toutes les disciplines. La chimie, exactement. Et bah merci. Moi, j'avoue que j'ai pas vu passer de questions dans la chatroom. Plutôt des remarques et des blagues. Non, mais par rapport à une discussion qu'on avait dans la chatroom, ce qui est fou aussi, justement, je pense, avec voilà, les ordinateurs, la miniaturisation et tout, c'est que dans pas mal de domaines, je pense, actuellement, on génère de plus en plus de données et les ordinateurs ne suivent plus, en fait. Justement, avec que ce soit la RAM, les disques durs qu'on a, enfin, nous, je vois en microscopie, nos microscopes génèrent des données qui sont tellement énormes, et il me semble que Johan en avait parlé aussi pour les instruments d'astronomie, que malgré toutes ces choses qui nous paraissent folles et qu'on atteint des débits qui sont quand même plus hauts, un degré de miniaturisation qui nous permet de faire des choses plus rapidement et à plus haut débit, en fait, on n'arrive toujours pas à suivre la quantité de données qu'on produit, la taille des données qu'on produit, etc. Et je trouve que c'est vachement intéressant par rapport à ce que tu dis, parce que ouais, on a un peu ce paradoxe d'arriver à aller de plus en plus vite et de faire de plus en plus de choses, mais ça suit toujours pas les besoins qu'on a, quoi. Ouais. Ce qui est fou quand on y réfléchit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est complètement dépassé par la course entre la production de données et le stockage. Ouais, et même juste les processer. Par exemple, moi, les files que génère, mon ordinateur est pas capable de les ouvrir en ce moment. Ce qui est un problème. Ils sont à combien de taille ? 400 gigas. Oh la vache ! Ah oui, effectivement. Ah ouais, là il faudrait une sacrée RAM, hein. Eh ben, j'ai 128 gigas, ça suffit pas. Putain, c'est incroyable. Bah, c'est vrai que moi j'ai jamais eu de, enfin, les plus gros fichiers que j'avais eu, c'était des fichiers qui contenaient des informations génomiques, et c'était pas à ce point là quoi. C'est alors pour ça, ils en ont des nouveaux qui sont encore plus énormes maintenant, parce qu'avec les nouvelles techniques de séquençage, on a des trucs énormes. Et ouais, Johan parlait de l'astronomie ou les images des microscopes. Alors, j'ai plus la taille en tête, mais c'était vraiment immense. Et ouais, c'est... Ah, c'est quoi le monde, ouais. Il faut plein de transistors. C'est ça. Il y avait une question dans la chatroom qui est arrivée de la poirasse. Si l'on ne peut plus miniaturiser les transistors, doit-on augmenter leur nombre et la taille des processeurs ? Alors, la taille des processeurs, je pense que pour la taille des processeurs, il doit y avoir une limite aussi sur l'échauffement du processeur. Parce que dans les ordinateurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont ouvert déjà des ordinateurs, il y a toujours une sorte d'énorme bloc de fer avec plein de d'entailles à l'intérieur. Et généralement, collé à ça, il y a un ventilateur. Et ça sert à refroidir le processeur, et je sais pas si augmenter la taille du processeur va pas créer quelques petits soucis autour de ça, genre le processeur qui chauffe trop et qui finit par fondre ou un truc dans le genre. Il y a ça, et après, il y a l'histoire des cœurs dont j'ai parlé, en gros. Puisqu'on ne peut plus miniaturiser les transistors, en fait, il faut multiplier les processeurs. Donc, avoir plein de petits processeurs. Là, maintenant, quand on achète des ordinateurs, c'est des fois, on a des 4 cœurs, des 8 cœurs, des 16 cœurs. C'est qu'on a plein de sous-petits processeurs qui vont venir se partager le travail, se partager une tâche, pour pouvoir un peu accélérer la vitesse de calcul, quoi. Il y a une question d'Avarion, mais je ne sais pas la lire. Est-ce que les qubits peuvent régler cette limite à terme? J'ai honte. Alors, pour l'informatique quantique, alors j'avoue que je suis en train de me renseigner dessus, mais c'est pas encore super clair pour moi. En gros, de ce que j'ai compris des ordinateurs quantiques, c'est intéressant pour des tâches très particulières. Des tâches qui nécessitent, en fait, qui nécessiteraient un temps complètement démesuré à faire avec de l'informatique classique. Et qui du coup, en fait, en faisant ça avec des ordinateurs quantiques, on gagne énormément de temps. Alors je crois que Google a sorti un article il n'y a pas longtemps sur Nature. Alors je me souviens plus des valeurs, je crois qu'ils avaient... Pour la première fois, ils ont atteint ce qu'on appelle de manière totalement pompeuse la suprématie quantique, c'est-à-dire qu'ils ont fait un calcul qui, avec un ordinateur classique, prendrait beaucoup de temps. Je dis beaucoup de temps parce que le temps que prendrait ce calcul est remis en cause assez régulièrement avec des manières différentes de le coder. Mais sur les qubits, ce qu'il faut comprendre, qui va résonner avec ton dossier, c'est que on ne parle plus de portes logiques comme tu nous les as présentées. On a d'autres types de portes logiques qui sont des portes logiques quantiques. On parle en effet de types de calculs qui sont différents, et il y a un truc qu'on néglige très souvent dans les ordinateurs quantiques quand on les présente, c'est la préparation de l'ordinateur. C'est-à-dire que, ce qui est très différent de ce que j'ai compris avec les ordinateurs quantiques, c'est qu'en fait on prépare l'ordinateur pour le mettre dans un état quantique, parce qu'en fait ce qu'on appelle des qubits, c'est un ensemble de particules qui sont intriquées entre elles. Si vous voulez entendre parler d'intrication quantique, vous pouvez écouter l'épisode qu'on a fait avec, comment il s'appelait, notre cher ami suisse. Ah zut, un épisode d'intrication quantique, je vais retrouver son nom le temps que je parle. Et donc, on intrigue ces particules d'une manière spécifique qui va faire que quand on va mesurer plusieurs fois le calcul, plusieurs fois l'état de ces particules, on aura le résultat d'un calcul très complexe parce qu'en fait, on aura fait des milliards d'opérations totalement en parallèle en même temps. Donc, il faut bien comprendre qu'il faut les préparer, ces particules. C'est pas anodin. En général, les ordinateurs quantiques, je crois qu'ils sont très proches du 0 Kelvin, parce que sinon, on n'arrive pas à garder les particules intriquées. Donc, c'est pas non plus des trucs. Je crois que pour Google, c'est 0,2 Kelvin. Voilà, c'est pas des trucs qu'on aura chez nous tous les 4 matins. C'est en effet des opérations très, très compliquées. Ça demande en général un ordinateur non quantique pour fonctionner. Ça, c'est le côté un peu cocasse de la chose. Et ensuite, un des trucs qui aujourd'hui est très problématique dans les ordinateurs quantiques, c'est que c'est très imprécis, ça fait beaucoup d'erreurs. Parce que, comme je viens de le dire, en fait, il faut faire plusieurs fois la mesure pour avoir le résultat de l'ordinateur quantique. Et donc, y a un peu d'erreur dans le tas parce que la mécanique quantique, c'est une théorie qui est avant tout statistique, donc qui va donner des résultats en répétant l'expérience, mais qui va avoir du mal à donner un résultat très précis. Donc, en gros, pour répondre à la question, les ordinateurs quantiques vont résoudre des problèmes, vont aussi peut-être foutre la merde dans la sécurité informatique, et ça, ce sera le sujet de notre épisode, mais clairement, de ce que j'en comprends, ça va pas être le grand remplacement comme les transistors. Ça va plutôt être un truc à côté qui va... Moi, j'ai beaucoup de doutes que c'est des choses qui iront dans les foyers ou des choses comme ça, mais voilà, je pense qu'on aura une cohabitation des deux parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus complexe à mettre en place et à utiliser. Et que les ordinateurs avec les transistors, en fait, fonctionnent quand même pas trop mal. On a en effet des exemples d'opérations dont on a parlé là, mais tous les exemples typiquement de taille de données, aujourd'hui, on commence à arriver à les gérer en distribuant les données sur plusieurs serveurs et en parallélisant les calculs. Enfin, c'est en effet les logiques de labo qui doivent évoluer, mais c'est des choses où, mine de rien, il y a des gens chez Google qui arrivent à analyser, à vous donner une recherche en moins d'une seconde avec une analyse de tout l'Internet. Donc, c'est qu'on arrive à faire des calculs optimaux rapides avec des grosses données. C'est juste qu'il faut être très, très organisé et avoir justement des gens qui savent travailler avec ces données-là. C'est vraiment des applications très très particulières pour l'informatique quantique. Après, pour ce qui est de foutre la merde dans les systèmes de sécurité, je pense qu'on a quand même, on a, enfin, c'est quand même, ce sera quand même dans très très longtemps vu que la manière dont ça évolue, quoi. Moi, je parierais pas dessus parce que, en l'occurrence, dans les problèmes que savent résoudre l'informatique quantique, ces problèmes-là sont quand même parmi ceux où ça s'y présente plutôt bien. Mais après, il y a des solutions de cryptographie quantique, donc c'est toujours pareil, c'est de la course un peu débile. Mais ouais, ça, mais c'est juste que pour ce qui est de la décomposition en nombre premier de, enfin pour les, c'est pour le système de clés publiques et clés privées, les asymétriques, j'ai enfin vu ce qu'on arrive à faire pour l'instant, je suis pas sûr que typiquement avoir des arriver à décomposer des nombres de 128 bits, j'ai l'impression qu'on est quand même, on a quand même de beaux jours devant nous sur la sécurité. Moi, je sais pas prédire l'avenir. J'en sais rien parce que ça évolue, c'est la spéculation totale. Mais... enfin, si tu veux, c'est ce qui, c'est ce que tu as raconté. Si on revient sur ton dossier, avant le transistor, personne n'imaginait qu'on puisse aller à cette vitesse-là dans l'évolution de l'informatique. Et c'est grâce à l'apparition des transistors et aussi à l'effet tunnel qui, je crois, est utilisé dans certaines choses dans les ordinateurs. Donc en fait, on peut avoir des surprises là-dessus, même sur tout ce que je viens de raconter. Ouais. L'effet tunnel, c'est pour la mémoire flash, en fait. Mais il faut vous dire aussi que l'informatique, on parle de systèmes qui sont extrêmement complexes, même au-delà, parce que toi, tu as parlé surtout de chimie, ce qui a ravivé Claire. Et au-dessus de ce que tu as raconté, en fait, on a des programmes. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on vit avec une grosse partie de programmes qui ont été écrits une cinquantaine d'années, qui ne sont pas réécrits, parce que les gens ne s'amusent pas à réécrire tous les 4 matins des programmes. Et je pense que par contre, une prédiction qu'on peut faire sur l'informatique quantique, c'est que même si elle devient 1000 fois plus rapide, ce n'est pas 100% des trucs qui seront réécrits, parce qu'il y a des trucs qui marchent bien, et votre lumière connectée, sans doute qu'elle restera avec un ordinateur classique pendant un bon siècle, parce que personne ne verra l'intérêt d'aller y foutre un ordinateur quantique dedans, quoi. Non, c'est sûr. Et comme aujourd'hui, il y a des trucs qui sont codés avec des langages obsolètes juste parce que bah, ça marche et personne n'a envie d'aller remettre le nez dedans. Moi, j'aime bien se rappeler qu'en gros, le monde réel, c'est quand même très chaotique et en général, c'est juste le bordel et c'est la cohabitation de pas mal de trucs plus ou moins récents. C'est comme ça qu'il y a encore des gens qui codent en Fortran. Ouais, et puis ça m'étonnerait pas. Et t'as encore des automates qui sont pas des trucs électroniques. T'as encore des. Enfin, c'est tout con, hein, mais un exemple de système mécanique par rapport à un système électronique. Moi, j'ai eu un flipper chez moi qui était un flipper mécanique. C'est hyper impressionnant à voir parce qu'il y a zéro électronique et ça permet de calculer des points. Et on en trouve encore des flippers mécaniques. Ça existe encore parce qu'ils marchent. Il n'y a pas d'électronique dans les. Non, dans il y a les un jour, pour l'anecdote. J'avais laissé un Velux ouvert qui était juste au-dessus de lui et il a pris la pluie toute la nuit. Le lendemain, séché, marchait encore, nickel. Ah ouais. Non, et c'est hyper solide. Bah, quand tu le vois, c'est hallucinant parce que le truc est fait pour compter un score, donc c'est pas très élaboré. Mais bon, c'est le bordel, quoi. Après, il y a un truc sur le calcul, justement, sur la simplicité du calcul. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est présenter les d'autres méthodes qui permettent de faire bah, typiquement de la logique booléenne, mais qui sont pas du tout de l'électronique. Genre, par exemple, dans le jeu Minecraft, il y a des gens qui se sont amusés à faire un ordinateur entier en juste avec un bout du jeu, en fait. Et ça marche très très bien. Juste avec ça. Et voilà, mon truc préféré, c'est un certain Matt Parker. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Matt Parker, c'est un gars qui fait de la vulgarisation en maths. Mais en fait, il fait pas mal de trucs autour de l'informatique. Et il y a un jour, il a fait un petit événement comme ça. Il a pris 10 000 dominos. Et il a fait un circuit logique. Comme ce qu'on a comme ce que j'ai présenté. Avec des dominos qu'il a positionnés d'une manière particulière. Et quand il a poussé, donc il avait fait tout son truc, en gros, pour lancer le calcul. Donc il avait fait une addition de nombres binaires. Donc en gros, c'était deux nombres binaires de 3 bits chacun, il me semble. Et en fait, à la fin, ce qui était censé tomber, c'est le code binaire de l'addition des deux nombres. Et en fait, donc il a poussé les dominos de façon à représenter, alors faut voir la vidéo pour voir dans le détail, mais à représenter les nombres binaires qu'il voulait faire à la base. Et ce qui est tombé à la fin, enfin ce qui devait tomber à la fin parce qu'il y a eu du cafouillage, les dominos c'est jamais très très fiable, ça devait être ce qu'il était censé, enfin l'addition de ces deux nombres binaires. Donc juste avec les dominos, il a réussi à faire du calcul. Je crois qu'il en a fait, enfin, de mémoire, il en a fait un avec des plus petits chiffres et qui a marché. Et après, ouais. Il a tenté le diable, il a essayé de faire le truc le plus grand qu'il pouvait faire avec l'espace qu'il avait. Et là, il y a des trucs de domino qui tombent, qui le virage a fait tomber la file de domino à côté. Du coup, ça a raté. Mais mais bah, le fait que ça marche, même si bon, il y a eu quelques cafouillages, mais le fait que ça marche, je trouve ça juste oufissime, quoi. Ah, en fait, faut aller regarder la vidéo hein, pour les gens qui s'intéressent. Faut voir la vidéo. Parce que c'est vrai que je trouve ça assez fascinant. De la même façon, moi, il y a un truc. Alors, en fait, on se parle régulièrement avec Emilien, puisque nous sommes collègues, et que donc on a déjà parlé plein de fois de cette vidéo, tellement on est complètement fans tous les deux. Mais dans le même ordre d'idée, moi, j'avais vu un plan de truc qui n'a jamais été réalisé. Mais il y a les plans. Enfin, peut-être ça a été réalisé depuis d'ailleurs. Mais d'ordinateurs à base d'eau et de siphon. Et en fait, le siphon, si les deux arrivées d'eau arrivent, ben le siphon va se vider. S'il n'y en a qu'un, ça va remplir le siphon, mais ça va rester plein. Mais ça va pas envoyer de l'eau en dessous, etc. Et donc, avec des systèmes de siphon, on peut aussi faire des portes logiques. Il y a quelqu'un qui avait fait tous les plans. Et pareil, c'est juste que ça prend, ça prend une taille monstrueuse pour faire une addition toute pourrie, genre un plus deux, quoi. Mais on est super content que ça marche. C'est ça. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Moi, j'avais vu un truc où c'était des jets d'eau. Ah non, là, c'est pas des jets d'eau, c'est des siphons. C'est vraiment de l'eau qui coule. En gros, l'idée, c'était qu'il y avait deux jets d'eau qui, quand ils étaient activés tous les deux, se rencontraient. Et du coup, le fait que les deux jets d'eau se bloquent l'un l'autre, ça tombait dans un petit entonnoir. Et s'il n'y en avait qu'un seul, le jet d'eau, il tombait à côté. Donc là, du coup, on a un « et » avec ça aussi. Et donc, ils ont fait toutes les portes logiques comme ça, avec des petits jets d'eau, c'est juste trop bien. Bon, et tant qu'on est dans les anecdotes cheloues d'informaticien, je suis obligé de placer celle-là, hein, mais il y a la plus grosse... On arrête l'émission. Non, la plus grosse société, la plus grosse société au monde qui fournit des certificats de sécurité Internet. Donc, c'est en gros, c'est des trucs qui vérifient que vous vous connectez bien sur le site où vous vous connectez, par exemple, quand vous faites... un paiement en ligne. Ils avaient un gros problème, c'est qu'ils devaient générer très rapidement des nombres aléatoires de manière fiable. Et en fait, tous les générateurs informatiques de nombres aléatoires, pour eux, ils n'étaient pas suffisamment fiables pour en générer beaucoup. Et donc la solution qu'ils ont, c'est qu'ils ont un mur de lampes à lave dans leurs locaux. Donc vraiment les lampes à lave, hein, vous savez, c'est ces trucs qu'on branche, ça fait des petites bulles là qui montent et qui descendent. Les trucs en voilà, forme de fusée. Et ils ont une webcam qui à chaque fois qu'ils ont besoin de générer un nombre aléatoire, prend une photo du mur de lampes à lave et en fonction de ce que ça voit, ça calcule un nombre aléatoire qui correspond aux lampes à lave. Et c'est véridique, c'est utilisé en production. Et en fait, ils ont. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, mais en fait, ils se sont fait une pub monumentale là-dessus. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils n'ont pas que ça, parce qu'ils en ont besoin de beaucoup, quand même, de nombres aléatoires. Donc, juste, ils s'amusent à trouver des systèmes de ce type-là. Et ils en font plusieurs, et ils font régulièrement de la com dessus, parce que quand t'as une idée comme celle-là, évidemment qu'il faut en parler partout, quoi. Ça te fait une pub monumentale. Je partage dans la chatroom l'article 10% de l'Internet est sécurisé par des lampes à lave. Ah mais je vais aller voir l'article aussi, ça a l'air génial. Ah oui, Lolo, oui, mais c'est pour ça que je fais pas confiance. Ah si, c'est hyper chaotique une lampe à lave, c'est parfait. Bon, tant qu'on est dans les anecdotes, je partage quand même la blague de le geek qui nous l'a envoyé deux fois sur la chatroom parce qu'elle mérite d'être lue à l'antenne. Le transistor, ok, mais de rire ou de douleur? Oh, c'est bon. Bon, sinon, il faudrait prendre des enfants pour générer de l'aléatoire. Ça marche assez bien. Ouais, ça marche très bien aussi. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou on passe sur le pitch de la semaine prochaine? Je pense qu'on a dit beaucoup de mots de la fin. On peut passer à la suite. Je pense qu'on peut y aller. Mia, t'avais... Ouais. Oui, t'as ta citation. Alors, on va juste faire le pitch de la semaine prochaine et puis ce sera parti. La semaine prochaine, donc, ça part en roue libre chez Podcast Science et on sait tous ce que cela signifie. Vous aurez donc plusieurs petites chroniques courtes des membres de l'équipe, une toute nouvelle chronique d'une invitée très spéciale qu'on vous en dit pas plus, et bien sûr, la réponse au quiz. Voilà, tout ça, c'est pour la semaine prochaine. Pour ta citation, tu as une femme. Et oui. Ça, c'est beau. C'est bien parce que j'ai parlé dans cette chronique, du coup, avec ma citation, j'aurais parlé des trois personnes les plus cool, je trouve, de l'histoire de l'informatique. Alan Turing, Claude Shannon, et du coup, j'ai une citation de Ada Lovelace, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, Ada Lovelace, donc voilà, du coup, comme l'a dit Tup, quelqu'un de très important, puisque c'est la première personne qui a fait un programme informatique. Alors, à l'époque, c'était sur la machine de Babbage, donc un truc qui était destiné à quelque chose de mécanique, mais en attendant, dans le document qu'elle a fait, il y a toutes les étapes de calcul, les unes à la suite des autres, avec les détails sur où est-ce qu'on est censé stocker l'information temporaire pour continuer à faire le calcul, etc. Donc, très très complexe. Et donc, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Et donc la citation qui du coup un peu en rapport avec ce que j'ai raconté sur en gros le calcul dans les ordinateurs, la machine analytique n'a pas la prétention d'être à l'origine de quoi que ce soit, elle peut faire tout ce que nous savons lui ordonner de faire. Donc si on sait faire des et, des ou et des non, ben on peut lui expliquer comment agencer tout ça pour faire ce qu'on veut lui faire faire en fait. On n'a pas parlé des peut-être. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou non. Chef, tu peux parler un peu des Ada Lovelace ou pas? Je demandais à Claire, c'est pas toi le chef. Vas-y. Hein. C'est Claire le chef. Ah. C'est moi chef? Ah non, j'ai... Pardon. Non. Écoute, on m'appelle pas comme ça souvent, j'ai pas compris que tu t'adressais à moi, j'aime beaucoup. C'est toi par défaut là, on n'a pas Irène, il n'y a pas Eléa. Ouais, parle d'Ada Lovelace. Moi je me mords les joues pour... pas vous alors, dire que c'est le nom du futur bâtiment où nous allons habiter, travailler déjà, avec si Emilia et Robin à la fermeture. Bon. Seul en passant. Ada, ouais. Ada en français. C'est ouais. Ada. Hein. C'est Ada. Ouais. Ada Lovelace. Si Lovelace. Non, c'est très très épatant dans le pas conceptuel qu'elle a fait. En gros, c'est que faut imaginer quand on décrivait juste avant les ordinateurs où en gros on avait des. On avait des grosses machines qui ont été toutes préparées, etc., avec les lampes et tout dont on a parlé, et on y mettait dedans des cartes perforées. Donc en gros, on avait deux choses qui étaient très différentes. On avait l'ordinateur qui était capable de faire un certain nombre d'opérations, et les cartes perforées qui en gros étaient les chiffres de départ. Donc vous imaginez que vous avez préparé un ordinateur pour faire des additions, et la carte perforée, elle contient les deux chiffres qui permettent de faire l'addition. On est d'accord avec ça, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Hein. Ouais. Et le, oui, je et le oui, pas conceptuel c'est de dire hé, hey, mais les gars, vu qu'on utilise une carte perforée pour représenter les données, pourquoi on n'utiliserait pas aussi une sorte de carte perforée pour représenter le programme et en fait d'avoir un ordinateur qui est programmable au lieu d'avoir un ordinateur qui fait qu'une seule opération et qui en donne des données. Et ça paraît tout con comme idée, mais en fait c'est ça c'est elle qui a non pas fait le premier programme informatique, mais qui a imaginé que la notion de programmer pouvait exister. Alors que, mettez-vous à la place des gens à cette époque-là, c'est de se dire que la machine qu'on a devant soi, c'est pas un truc qui est figé, c'est un truc qu'on pourrait modifier à la volée en mettant des trucs dedans, quoi. C'est hyper épatant de s'être mis en tête ça, et à une époque où les ordinateurs n'existaient juste pas du tout, quoi. Donc c'était assez fou d'imaginer ce genre de choses, quoi. Voilà, je me tais maintenant. Parce que j'aime bien... Ouais, ce que j'aime bien aussi chez Ada Lovelace, c'est en gros le déroulement de sa vie qui était ultra intense. Enfin, c'est un peu comme Alan Turing, ça fait très comment dire, c'est très théâtral en fait, je trouve. Mmh. Oui, oui. Faudrait que ça non. Si. C'est pas mon avis. Je sais pas si je dirais théâtral. C'est faire voir que c'est plus heureux que Turing, mais bon, c'était surtout que c'était pas la meilleure époque. C'était pas la meilleure époque. Enfin, Turing, monde c'est pour, trash quand même. C'est quand même mal terminé, mais bon. Ouais. Faire des trucs scientifiques, quoi. C'est un peu ça, mais bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a une bonne époque du monde pour être une femme? C'est peut-être pas abouti, mais ça dépend. Ça dépend où. Si tu compares, non, mais je veux dire dans les pays occidentaux, c'est quand même simple. Bon. On passe au quiz. Le quiz. Eh bien oui, attention, c'est la dernière semaine pour nous envoyer vos réponses, puisque la fin du suspense, c'est la semaine prochaine. Alors, le quiz du moment, c'est le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit info ou intox. Emilien, t'en penses quoi? Je précise que tu as fait oui de la tête pendant que je lisais la question. Apparemment, tu avais quand même une idée. Oui, non, c'est juste que je me souvenais du quiz, c'est pour ça que j'ai dit oui. J'aurais tendance à dire que non, mais en faisant ça dépend des téléphones aussi. Typiquement, s'il y a des trucs à induction à l'intérieur, je sais pas. J'ai du mal à me décider là-dessus. Il y a d'autres, oui, j'étais plus décidé, mais là, je sais pas. Bah, t'as une semaine pour te décider à réponse la semaine prochaine pendant l'émission Roue Libre avec toutes les autres petites chroniques. Un petit mot avant de finir cette émission pour nos Patreons, les derniers en date qu'on remercie énormément, Pablo, David et Jogla Poiras. Un grand merci à vous et un grand merci à tous ceux qui donnent régulièrement ou pas régulièrement ou à ceux qui voudraient donner mais qui donnent pas. On vous aime tous quand même. Et enfin, on arrive à la fin de cette émission 392. Alors, un grand merci à notre invité, Emilia. Merci beaucoup d'être venu sur podcast. Merci de m'avoir accueilli. T'as réussi en une seule émission à me réconcilier un peu avec l'informatique, il va falloir revenir. T'as réussi, parce que t'as mis un petit peu de chimie dedans, t'as réussi à faire parler Pascal à l'antenne, et tu nous en rappelles que pour les transistors, comme les transistors, je vais arriver, comme ailleurs, ce n'est pas la taille qui compte. En l'occurrence, si, la taille compte, mais c'est plutôt, il faut que ce soit petit. Sinon, on se... t'as pas compris le dossier, mais là, la taille comptait pas mal, en fait. C'était sa conclusion de dossier, figure-toi. Bon, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine en attendant que servir la science soit votre joie.